Marcus Varron, dans la satire intitulée « Des aliments », a décrit, en vers piquants et spirituels, les mets recherchés qui font les délices des repas. Il dépeint, il énumère la plupart des productions que nos gastronomes recherchent et sur terre et sur mer. Le lecteur, qui en aura le loisir, pourra consulter le poète lui-même au livre indiqué. Je ne veux que rappeler, autant que ma mémoire me le permettra, les espèces, les noms, la patrie de ces aliments délicieux, de ces mets délicats, objets de la recherche des gourmands, et que cite Varron en couvrant d'opprobre tant de luxe. Le pan de Samos, les perdrix de Phrygie, les grues de Mélos, le chevreau d'Ambracie, le jeune thon de Calcédoine, la murène de Tartès, la morue de Pessinonte, les huîtres de Tarente, le pétanque de Chio, l'esturgeon de Rhodes, les noix de Tassos, les dattes d'Égypte et les glands d'Espagne. Cette industrie, avec laquelle la gourmandise explore le monde pour trouver des ragoûts inconnus et de nouvelles délices, nous paraîtra encore plus digne de mépris si nous nous rappelons ces vers d'Euripide, souvent cités par le philosophe Chrysippe. Car que faut-il aux mortels ? Deux choses, les dents de Cérès pour nourriture et l'eau pour breuvage. Ils sont sous notre main, ils naissent pour soutenir notre vie. Jamais ils n'inspirent la satiété. Mais nous inventons d'autres mets pour satisfaire notre soif de volupté.